Continent Science, Stéphane Delisgorges. J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. En direct de tous les rendez-vous scientifiques, tous les jours, à 14h, en direct de la Maison Ronde, du studio numéro 1. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, eh bien, nous partirons d'une affirmation. Nos cerveaux, tous pareils, tous différents, avec un point d'exclamation. Et cela en compagnie de Catherine Vidal, qui est une neurobiologiste de franc-parler. Directeur de recherche honoraire. Directrice. Directrice. Ouh là là, ça y est, j'ai mal commencé le genre. En plus, je suis fait. Je suis puni. Directrice de recherche honoraire à l'Institut Pasteur et membresse de, du comité éthique de l'INSERM. Mais pour ne pas rompre à nos habitudes, tout de suite, la chronique animalière. Dans cette chronique animalière, je retiens le poulpe, alias la pieuvre. La pieuvre, oui, encore une fois, la pieuvre, le poulpe. Grande spécialiste du camouflage, couleur, dessin, texture, elle peut tout imiter, les cailloux ou les pièces de corail, voire même les échiquiers. Son secret, des cellules spécialisées, très denses, situées sur sa peau. Et puis un œil, grand et puissant, proche de celui de l'homme, du moins le pensait-on. Une équipe américaine montre qu'en vérité, les deux ne pourraient faire qu'un. Ou plus exactement, que l'animal voit aussi avec sa peau. Comme nous, le poulpe dispose dans ses yeux d'opsine des protéines qui réagissent à la lumière. Présentes dans les cellules photoréceptrices, elles contribuent à la transmission des informations visuelles vers le système nerveux central qui envoie ensuite ses ordres vers les différents organes. Chez les céphalopodes, cela conduit à activer les fameux chromatophores. Ce sont de petits organes de la peau et les cellules pigmentées, qui se trouvent en leur centre, ces petites cellules. Les scientifiques, en coupant des morceaux, très peu, de peau d'une pieuvre, ont montré que ces chromatophores réagissaient à la lumière. Éclairés par une lumière blanche, ils se dilatent et la peau s'assombrit. Que la pénombre revienne et alors la cellule reprend sa forme initiale et la peau, cette fois, sa teinte d'origine. Le tout avec un certain discernement. Et il est même précis. La particularité du poulpe pourrait provenir de la localisation des opsines. Chez ses cousins calmars et sèches, les protéines ont été retrouvées à l'intérieur même des chromatophores. Chez le poulpe, elles sont localisées dans les neurones sensoriels à la surface de la peau. S'ils ne connaissent pas encore précisément le fin mécanisme, les scientifiques américains supposent que la lumière frappe les opsines qui, par une réaction biochimique, stimulent directement les neurones. Cela transmet l'information aux chromatophores. Des yeux par milliers donc. Les chercheurs nuancent cette affirmation. La peau des poulpes ne perçoit pas la lumière avec les mêmes détails que l'œil, bien sûr. Elle détecte les changements d'intensité par les contrastes ou les limites. Ce qui apparaît en tout cas, c'est cette capacité de l'animal à réagir à la lumière sans passer par le système nerveux central. Le plus fascinant demeure le mécanisme par lequel cette capacité a pu se développer, être présente dans les yeux des animaux depuis longtemps. Encore une fois, l'évolution agit comme un bricoleur, selon le mot de Jacob, et plutôt de Mono, ou non de Jacob. C'est François Jacob. C'est François Jacob. Elle pioche dans le matériel disponible. L'opsine était présente dans les yeux des animaux depuis longtemps. Elle a été utilisée dans la peau. L'évolution est toujours et encore la reine de la recombinaison et des coups de récup. Bonjour Catherine Vinal. Bonjour Stéphane. Pardon. Mille excuses pour m'être trompé, auteur avec un E, de cet ouvrage auquel nous sommes aujourd'hui ensemble. Nos cerveaux tous pareils, tous différents. Alors, disons tout de suite que vous avez pris une voix, je ne sais pas comment la désigner, mais on va dire en tout cas ferme, prononcée, pour une certaine orientation qui est décliné au fil d'un certain nombre d'ouvrages qui appartiennent à une série. Je vous laisse la présenter d'ailleurs. Je peux donner ces titres, certains de ces titres. C'est signé pour l'un d'entre eux avec donc Dorothée et Benoît Brouwès. Cerveau, sexe et pouvoir. Il y en a un sous votre direction, féminin et masculin. Il y en a d'autres. Comment s'appelle cette collection ? Oui, l'idée, c'est déjà, quand on est neuroscientifique, c'est de pas rester forcément tout le temps dans son laboratoire avec sa blouse blanche. Et c'est de participer à ce qui se passe autour de nous et à ce qui se passe dans la société. Et pour ça, il faut que le scientifique, à un moment donné dans sa carrière, puisse déjà être capable de faire œuvre de vulgarisation, ce qui n'est pas toujours un exercice très simple, et également trouver des moyens de sensibiliser le plus grand nombre, en l'occurrence au progrès des connaissances scientifiques sur les thématiques qui nous intéressent. Et en ce sens, vous avez évoqué tout à l'heure François Jacob. Oui. François Jacob a été justement quelqu'un non seulement d'extrêmement brillant, avec une pensée féconde comme il en existe très rarement en tant que scientifique, mais c'était également un grand vulgarisateur. Et oui, bien sûr. Et j'ai eu cette chance à l'Institut Pasteur justement de côtoyer François Jacob et de m'intéresser de très près à ses travaux, et aussi quelque part ça m'a donné suffisamment de confiance en moi pour me dire moi aussi je peux contribuer à transmettre des connaissances. Alors, si on veut transmettre des connaissances au plus large public, déjà, faut écrire des livres. Et depuis un certain nombre d'années, j'écris des livres qui concernent en particulier tous les préjugés et toutes les idées reçues sur les différences d'aptitude et de comportement entre les femmes et les hommes. C'est un sujet qui est toujours très prisé par les médias. Hein, et donc, il faut être là, sur la scène publique, pour montrer que certaines idées qu'on avait il y a 50 ans, eh bien maintenant, ne sont plus du tout d'actualité. Mais elle se réactive surtout. Hein. Les préjugés ont une très très grande force de réanimation. Et en particulier, il y a eu un moment important dont on s'est évidemment fait. On ne s'est pas fait le relais sans quelques positions critiques, mais des effets d'annonce du style, on a découvert le gène de l'alcoolisme, de l'homosexualité, et ainsi de suite. Ce qui ne veut évidemment strictement rien dire, ni au point de vue génétique, ni au point de vue de l'heuristique quelconque, de la neurobiologie par exemple. Hein. On peut s'en douter, bien sûr. Est-ce que vous vous souvenez par cœur ce magnifique aphorisme qui nous sert concernant Einstein justement ? C'est lui qui l'a prononcé. Oui, Einstein a dit « il est plus difficile de désagréger un préjugé qu'un atome ». Exactement. Alors on va désagréger là, hein. Ouais. On va désagréger un certain nombre de préjugés. On peut commencer, puisque c'est ainsi que vous menez votre enquête, par la fabrication, ainsi que vous intitulez votre premier chapitre, des filles et des garçons. Alors, commençons par là. Par exemple, quand est-ce qu'apparaissent les premières situations où on voit que le bébé commence à parler ? Babiller. D'ailleurs, on sait maintenant l'importance du babillage entre bébés, d'ailleurs. Oui, les processus de développement de l'enfant sont extrêmement intéressants à étudier de près. Oui. Parce que c'est en suivant ce développement au cours du temps qu'on va pouvoir comprendre les différences et les similarités tout autant entre les bébés filles et garçons. Et ensuite, quand on grandit, justement, comment ces différences qui émergent vont ensuite évoluer. Et il existe un certain nombre d'études, très nombreuses, qui ont été faites sur ces questions-là. Il y a une revue récente qui a été publiée en 2012, qui fait vraiment un bilan complet de tout ce qu'on connaît sur le développement comportemental et cognitif des tout-petits filles et garçons. Et cette étude montre qu'en fait, une différence importante qui est statistiquement bien validée, c'est qu'à la naissance, les petits garçons ont davantage de tonus musculaire. C'est ça. Mais ensuite, ce tonus musculaire, à l'âge de 2 mois, disparaît, cette différence entre garçons et filles. Et ce n'est que plus tard qu'on verra un peu plus à nouveau d'activité tonique chez les garçons. Mais en ce qui concerne, par exemple, le babillage, hein, les premiers stades de l'exercice du langage, les petites filles sont un petit peu meilleures que les garçons, si j'ose dire, à quelques pourcents près, vers les âges de 6-8 mois. Et ensuite, la différence se creuse. Mais en fait, il faut noter que cette différence, elle apparaît déjà. Après que l'enfant ait déjà été largement en contact avec son environnement proche, affectif, social, qui va faire, comme on le sait bien, que les adultes n'ont pas du tout les mêmes attitudes selon qu'ils s'adressent à un petit bébé fille ou garçon. Et par exemple, les bébés filles, de nombreuses études montrent qu'on leur parle davantage, oui. On leur sourit plus, oui. on leur chante des chansons. Alors qu'on est plus actif physiquement avec les garçons. Voilà, les enfants, les garçons, on les fait sauter en l'air. Oui. Et tous ces comportements des adultes sont totalement inconscients hein, vis-à-vis du tout petit enfant. Et donc, dès la naissance, le petit enfant, il va être traité différemment, selon qu'il est garçon ou fille. Vous donnez un exemple extrêmement intéressant et drôle, d'une certaine manière, qui exhibe là, de façon absolument évidente, le comportement différent pour un bébé. Et puis, on l'appelle Monique, et on lui met un petit vêtement rose. Et puis, on le donne à un homme, puis à une femme, et on regarde le comportement. On va voir que ce que vous venez de dire concernant les filles, dans leur façon de leur parler, va se produire. Et puis on garde la même petite fille, on le présente à d'autres adultes, mais cette fois on l'appelle Robert, et on lui met une blouse bleue. Et ils vont se comporter exactement comme les adultes se comportent avec un garçon. Eh oui, ça montre bien l'importance de ce qu'on appelle les stéréotypes, hein, qui fait qu'on assigne un certain nombre de comportements, de rôles, aux petits garçons et aux petites filles, et que ces comportements sont la plupart différents. Alors on peut peut-être poser une sorte de principe sous-jacent maintenant, qui va être le fil rouge de cette émission, c'est que il y a vraiment tout à faire au moment de la naissance avec le cerveau, ce qui conduit à dire qu'il y a une gigantesque plasticité du cerveau. C'est un mot que vous utilisez dans plusieurs exemples, et de façon continue comme un fil rouge aussi, hein, puisque plasticité veut dire aussi singularité de chaque individu et histoire personnelle de chaque individu. Donc là, il y a une très très grande imposition de l'environnement tout court, c'est-à-dire de ce qui entoure, avec son expérience, l'individu humain. Oui, cette notion de plasticité est totalement fondamentale pour aborder la question des différences. Que ce soit d'ailleurs des différences entre hommes et femmes ou différences entre personnes d'ethnies différentes et de personnes qui ont dans la société des situations différentes. Donc cette notion de plasticité, elle était déjà auparavant connue essentiellement de la part des médecins, des neurochirurgiens qui évidemment savaient bien qu'après une lésion dans le cerveau, il y a des récupérations. Hein, après un accident vasculaire cérébral, dans la plupart du temps, sauf si l'accident vasculaire cérébral est très très massif, mais la plupart du temps, il y a des récupérations et souvent des récupérations totales. Bon, ça c'est un exemple flagrant de plasticité qui montre que de nouveaux circuits de neurones vont se fabriquer pour compenser la zone qui était lésée. C'est ça, on peut dire que, par exemple, dans la zone du cortex qui est mobilisée par la fonction fonction du langage. Si cette zone est blessée, abîmée, avec du temps, il va y avoir une espèce de remplacement. Est-ce qu'on dit une vicariance dans ce cas-là de, on peut dire, pas. Hein, petit à petit, c'est quelque chose d'ailleurs qui avait été, de façon générale, hein, observé par Georges Canguilhem, le grand épistémologue de la biologie. Donc, sans arrêt, on peut récupérer certaines lésions, et c'est un bon exemple. Voilà, mais ça, c'est disons, la notion de plasticité qui est un petit peu enfin lié à des aspects empiriques, hein, d'observation, oui, dans le domaine médical. Oui. Mais depuis une quinzaine d'années, on a une vision complètement différente de la plasticité. On a montré que la plasticité, en fait, est vraiment une propriété intrinsèque du système nerveux. C'est ça. C'est-à-dire qu'elle opère tous les jours dans notre vie quotidienne et pas simplement en réponse à des problèmes de lésions, par exemple. C'est-à-dire que au cours des apprentissages, au cours des expériences de vie, nous tous et toutes, nous avons sans arrêt des nouvelles connexions qui vont se faire entre les neurones et aussi des connexions qui vont cesser d'exister entre les neurones. C'est-à-dire que notre cerveau est en perpétuelle évolution au gré de nos interactions avec l'environnement. Et ce processus, il est en place, évidemment, dès la naissance. Oui. Et c'est grâce à cette propriété de plasticité que l'interaction de l'enfant avec l'environnement va lui permettre de construire son cerveau, va permettre à ses neurones de se câbler les uns avec les autres. Alors cette plasticité, elle est très importante évidemment dans ces phases de développement du cerveau, dans la petite enfance jusqu'à l'adolescence, mais après, à l'âge adulte, nous avons aussi de la plasticité, et on peut même dire que la plasticité, elle est de nature un peu différente en vieillissant, mais elle persiste également avec l'âge. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau dans la conception de ces propriétés de plasticité du cerveau. Et en fait, si c'est nouveau, c'est aussi parce que l'analyse du cerveau a été largement facilitée grâce aux nouvelles techniques d'imagerie cérébrale bien par sûr, IRM qui permettent maintenant vraiment de voir le cerveau se modifier en fonction des apprentissages. C'est ça. Et s'activer, donc se modifier de manière directe et dynamique quand on l'observe. France Culture, Continent Science. Stéphane Delisgorges. Suite donc de ce rendez-vous de Continent Science, toujours en compagnie de Catherine Vidal. J'ai commencé par le langage, mais je vous répète la question. Qu'est-ce qu'on peut signaler comme différence? Parce que jusqu'ici, on a l'impression qu'il y a des rééquilibrages permanents. À un moment, ça se creuse, on voit des petites différences, en particulier pour la tonicité, ainsi de suite. Et puis après, ça se régularise. Donc, quelles caractéristiques on peut retenir, s'il y en a, pour la question de la différence entre les cerveaux des garçons ou des bébés-filles et des bébés-garçons? Bon, cette différence dans les cerveaux, elle est visible dans certains comportements, bien sûr. Mais quand on parle de différence, la question qu'on doit se poser, c'est d'où vient la différence? Oui. Or, les arguments qui laissent penser que les différences qu'on peut observer viennent d'une programmation génétique qui ferait que dès la naissance, les cerveaux des garçons et des filles soient câblés différemment, les arguments scientifiques à l'appui de cette thèse n'existent pas. Oui. Par contre, on a des arguments scientifiques qui montrent justement à quel point le cerveau va se façonner en fonction de l'expérience vécue. Mais ce qui est important de retenir, c'est que ces nouvelles connaissances scientifiques nous permettent de dépasser complètement l'ancien dilemme de l'opposition entre inné et acquis. On n'est plus dans le pourcentage, tant de pourcents d'inné, tant de pourcents d'acquis, avec les uns partisans d'un 100% inné, les autres d'un 100% acquis. On n'en est plus là, à l'heure actuelle. Oui, le réductionnisme biologique ou le réductionnisme culturel, par exemple. Maintenant, on montre à quel point il y a une interrelation permanente entre le biologique et le culturel. C'est-à-dire, les deux sont en fait complètement indissociables. On va dire que l'inné, c'est la capacité des neurones à se connecter entre eux. Oui. Et l'acquis, c'est la réalisation effective du câblage. Oui. Et pour que ce câblage se fasse, il faut que de façon indispensable, hein, il y ait une interaction avec l'environnement. Bien sûr. Alors on peut prendre un exemple très flagrant, qui est celui du développement du système visuel. Oui. À la naissance, le petit bébé a une vision extrêmement sommaire, et ce n'est qu'à l'âge de 5 ans qu'il aura une vision qui est équivalente à celle de l'adulte. Cela veut dire concrètement qu'il faut 5 ans pour fabriquer un système visuel. Oui. Il faut 5 ans pour que, à partir des neurones de la rétine, poussent les prolongements dans le nerf optique, lequel va rentrer à l'intérieur du cerveau et se connecter avec les zones cérébrales qui contrôlent les informations visuelles. Bon. Donc c'est un processus progressif de fabrication, le système visuel. Et on a montré que si l'œil est privé de stimulation lumineuse, donc d'interaction avec l'environnement, à ce moment-là, le système visuel, les neurones du système visuel ne se connectent pas. Bon, il existe des cas d'enfants qui souffrent de cataractes précoces. Et ces enfants, il faut les opérer le plus tôt possible pour que justement leur système visuel puisse se connecter. Et c'est la même chose avec le système auditif. C'est la même chose évidemment avec tout ce qui relève de la cognition, hein, l'apprentissage du langage. Dites pour les enfants sauvages, par exemple. Voilà, les enfants sauvages. Ne parlent jamais. Voilà, ou les enfants qu'on a retrouvés dans les orphelinats mouroirs de Roumanie, oui, qui avaient tous des retards mentaux gravissimes et qui étaient incapables de parler. Parce qu'ils n'avaient pas eu d'interaction. Voilà. Si vous permettez, parce que je trouve que les chiffres parlent presque d'eux-mêmes, après vos explications, Catherine Vidal, vous dites que dans l'embryon humain, la construction du système nerveux commence à l'âge de 3 semaines, quand l'embryon mesure 2 mm. Jusqu'à la naissance, 300 000 neurones sont fabriqués par minute. Ça n'arrête pas, hein, c'est la fabrique, là, ça fonctionne. Hein. Neurones, on l'a bien dit, hein, dans le cerveau du fœtus. À la naissance, les nourrissons cessent, voient leurs neurones cesser de se multiplier. Le cerveau du bébé humain compte alors 100 milliards de, cette fois encore, neurones. Seulement 10% de neurones sont connectés entre eux par les synapses. À la naissance. Et bien sûr, évidemment, 90% des synapses se fabriquent après la naissance. Et c'est elles qui jouent le jeu biochimique d'assurer la connexion entre les différents neurones pour constituer les différents circuits. Voilà, cela montre bien cette construction progressive, justement, oui, des réseaux de neurones. Oui. Et ce phénomène de construction de réseaux de neurones ne cesse pas à un âge limite. En permanence, dans notre cerveau, il y a une évolution des zones, des circuits, des faisceaux qui vont faire qu'on va traiter toutes ces informations avec une vitesse hallucinante. On va pouvoir en mettre certaines en mémoire, on va pouvoir transformer nos idées en comportement. Enfin, c'est quand même l'organe de la pensée, c'est quand même un organe noble, hein, on peut le dire. Oui. Et pour l'inscrire aussi dans son anatomie, vous jouez à un jeu, vous dites que si on prend ce néocortex qui présente plein de plis, je l'ai appelé néocortex délibérément, maintenant on dit cortex, mais il a évidemment utilisé au maximum l'espace, donc la bonne manière c'est de faire des plis, hein, pour occuper l'espace, on le voit avec du papier, ainsi de suite, donc bref, 2 mètres carrés. De oui, surface, oui, oui. Oui, 3 mm d'épaisseur. Voilà, ce cortex cérébral, il est tout plissé, hein, oui, hein, on voit bien. Quand on allait chez le boucher, on voyait des cervelles d'agneau ou des cervelles de veau. Et maintenant, on n'en voit plus, c'est dommage. mais en fait, on s'aperçoit qu'au cours de l'évolution phylogénétique, plus on monte dans l'évolution, plus le cortex s'est plissé. Bon, par exemple, chez les lapins, le cortex cérébral est lisse, hein, chez les rats aussi. Et progressivement, ça va se plisser parce que ce cortex va prendre de plus en plus de place en surface. Et donc, pour arriver à tenir dans la boîte crânienne, il faut forcément se plisser. Et chez l'humain, on est au maximum des circonvolutions, des plis, des sillons. Et à l'heure actuelle, avec des méthodes informatiques, on est capable de modéliser un cortex cérébral avec tous ses plis. Et donc, on va pouvoir aussi le déplisser virtuellement. Et quand on le déplisse virtuellement, quand on le met à plat, on s'aperçoit en gros que sa surface est d'environ 2 mètres carrés sur en moyenne 3 mm d'épaisseur. Ouais, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Ah, c'est beaucoup. Ouais. Et surtout, c'est 10 fois plus que chez les grands singes. Et oui, bien sûr, bien sûr. Alors, Autre question, Catherine Vidal, qui est liée avec ce que vous disiez tout à l'heure sur l'espace. Le sentiment de l'espace arrive à quel moment, aussi bien chez la fille que chez le garçon? Alors là aussi, c'est des sujets particulièrement importants à étudier au cours du processus de développement de l'enfant. Et d'apprentissage, on va dire. Et toutes les études montrent que le sens des nombres se développe en fait assez tôt, hein, dès l'âge de 6 mois, oui. Que les petits-enfants sont capables de faire des opérations élémentaires d'addition ou de soustraction. De soustraction aussi, oui, avec des objets, donc au nombre de 3 par exemple. Voilà. Oui. Ils sont aussi capables de commencer à prendre des repères pour visualiser des objets dans l'espace, imaginer des objets cachés. Et tous ces processus cognitifs qui en fait vont être à la base du raisonnement mathématique quelque part. Eh bien, tous ces processus là se développent à l'identique chez les filles et chez les garçons. Donc ça, c'est quand même un résultat extrêmement important par rapport à la réalité des idées reçues qui, hélas, sont toujours présentes, qui laissent croire que les filles sont incapables de se repérer dans l'espace, qu'elles sont incapables de faire des créneaux, et que les garçons auraient, soi-disant, leur nature cérébrale leur permettrait de devenir mathématiciens et scientifiques. C'est ça, rapide du cerveau, technicien, ainsi de suite. Alors, on peut faire tout de suite la remarque suivante que vous n'avez pas raté, bien évidemment, c'est que dans une cour de récréation, on va d'abord faire jouer les garçons au football. Et puis si on regarde, donc si c'est une classe mixte, eh bien les filles sont au bord de la cour, quoi. Et les garçons jouent au ballon. Si on met des filles seules, qu'on leur propose de jouer au football, elles vont s'y mettre. Voilà, mais... Donc là encore, il y a une espèce d'imprégnation. On peut ramener ça aussi comme déterminisme constructeur à cet âge de certaines capacités, quoi. Ça commence très très tôt. En fait, ça commence dès la naissance. Non seulement les différences de soins aux nourrissons dont on a parlé tout à l'heure, et ensuite les jouets, les habits, tout ce processus qui va faire que on va mettre les enfants dans des cases. Mais quand je dis on, c'est une histoire qui a de centaines de milliers d'années, hein, qui fait que nos civilisations sont basées sur un système binaire où les hommes et les femmes occupent des places différentes. Oui, bien sûr. Et souvent avec des fonctions extrêmement opposées. Et avec une domination, évidemment, des positions sociales et des rôles occupés par les hommes par rapport aux femmes. Exemple, plafond de verre, hein, c'est-à-dire à compétences tout à fait égales dans une hiérarchie professionnelle. Et évidemment, là encore, je redis peut-être quelque chose qui est un cliché, mais on rencontre beaucoup plus d'hommes que de femmes, alors qu'il n'y a pas de vraie différence. Est-ce qu'on peut noter autre chose, là encore, qui marquerait une différence ou pas dans ce processus d'apprentissage entre les cerveaux des garçons et des filles? Il n'y a rien d'autre à dire, de ce point de vue. Oui, il n'y a pas de différence entre les cerveaux dans les capacités d'intelligence, de raisonnement, de mémoire, d'attention. Quand on va noter des différences qu'on peut, de façon objective, voir dans les comportements et dans les cerveaux, à nouveau, il faut considérer le parcours de l'enfant et voir justement qu'il a évolué dans un environnement différent qui va expliquer que cette interaction avec l'environnement va laisser des traces dans son cerveau. Mais attention, ça ne veut pas dire que si on a été formaté différemment par les stéréotypes masculins et féminins quand on est petit, ce qui est notre lot à toutes et à tous, bien évidemment. Oui. Cela ne veut pas dire que ça va laisser des traces indélébiles dans le cerveau, puisque justement, on se développe en permanence, on peut justement comprendre à quel point l'environnement a marqué son empreinte, nos façons d'être, et par une réflexion intellectuelle, on peut, comme on est en train de le faire, dire, il y a des stéréotypes, il y a des préjugés, comment faire pour faire évoluer les mentalités? C'est ça. Pour que les gens n'imaginent pas que cette situation sociale est le reflet de lois biologiques, parce que si on dit que c'est le reflet de lois biologiques, ça veut dire que c'est la nature et que ça ne sert à rien de changer quoi que ce soit. Alors, donc c'est ça qu'il faut vraiment transmettre à un grand public. Juste pour conclure cette partie, avant qu'on écoute quelques respirations musicales, Catherine Vidal, évidemment, un des préjugés, c'est que les filles sont, allez, on va dire, nulles en maths. Bon, le préjugé a trouvé quelques raffinements en disant, on est créateur en mathématiques entre 0 et 24 ans. Bon, et après, non. Or, le moment où on est créateur ou créatif, c'est le moment, zut, où les femmes font des enfants. Or, on a vu, premier exemple, cette année, une première, pour la première fois, une médaille Fields, ce qui me fait immédiatement penser à Amy Noether, qui a été obligée, qui s'est vue refuser une place même de privée d'enceinte à un moment, alors qu'elle était d'une puissance telle que Hilbert ou Einstein avaient dit qu'ils n'avaient jamais vu une telle imagination mathématicienne en acte que cet Amy Noether, qui a produit un des théorèmes les plus importants, un des blocs de toute la physique. On peut penser évidemment aux mathématiciennes déguisées au 19e, qui écrivent donc sous un nom masculin, et puis donc la médaille Fields de cette année, et puis aussi des mathématiciennes qui font 5 enfants et qui se retrouvent au niveau international en topologie algébrique, que sais-je. Donc là encore, on voit bien que c'est l'imprégnation et la violence même du milieu social et des préjugés qui sont à l'œuvre. Bah évidemment, enfin. C'est comme pour de nombreux domaines, hein. Pour arriver à des positions importantes, il faut se battre. Hein. Oui. Oui, mais là, il y a aussi l'instauration de... Elles sont pas vraiment douées pour les maths, quoi. Elles ont pas le sens de l'espace. Elles projettent pas bien la géométrie. Oui, c'est ça. Qui existe toujours au XXIe siècle. C'est quand même là où c'est extrêmement sérieux, hein, parce que quelque part. Au moment de l'orientation scolaire, hein, qui est, c'est un moment fondamental pour la suite du devenir d'une personne, pour ses engagements professionnels ensuite. Bon, si on dit aux petites filles, oh mais ça, préparer une école d'ingénieur, tu y arriveras pas, c'est trop compliqué, il y a trop de compétition, c'est pas la peine, va plutôt en médecine. Bon, ah oui. Alors que la médecine. Enfin, la difficulté des études de médecine est complètement comparable à la difficulté des études quand on est dans une école d'ingénieur. Bien sûr. Mais sauf que la médecine, elle est connotée féminine maintenant, alors qu'avant non. Hein. Il y a autant de maths. Bon, il y a aussi des maths, bien oui, sûr. Oui, il y a autant de maths, voilà, je dis. Voilà. Oui. Mais soi-disant, c'est une profession de soins qui devrait être plus adéquate pour les femmes. Alors qu'on sait bien, en plus, quand on est médecin, à quel point, côté vie privée, on a vraiment peu de temps à soi. Hein. Bon, mais on est dans le préjugé et les filles, hélas, vont être victimes de ces préjugés. Il y a la pression sociale, il y a la pression de la famille, il y a l'autocensure, il y a... Vous voyez, on n'est plus dans la neurobiologie, on est dans la sociologie, dans la psychologie, dans l'anthropologie, là. Hein. Bien sûr, bien sûr. Eh bien voilà, passé largement le mi-temps de ce rendez-vous de Continent Science, toujours en compagnie de Catherine Vidal, l'auteur de cet ouvrage intitulé « Nos cerveaux tous pareils, tous différents ». Non pas « Nos cerveaux tous pareils, tous différents ». J'ai été très troublé et amusé par toutes les parties sur les hormones. C'est drôle parce que il y a là, c'est vraiment un nid de préjugés, hein, l'hormone. Mais là, en particulier, la vulgarisation qui peut en être faite, mais vous dites qu'elle est appuyée évidemment par certains groupes scientifiques, mais c'est de la pure désinformation, si je puis dire. Parce que, comment vous voyez les choses, là? Ces hormones qui, normalement, alors si on a de la testostérone, on est violent, bagarreur, on va étrangler tout le monde, c'est absolument pas ça. Oui, ce n'est absolument pas ça, mais en même temps, les idées reçues sur cette question-là sont extrêmement tenaces. Et oui. Bon, elles sont extrêmement tenaces parce qu'elles sont entretenues par un discours auprès du grand public qui est là récurrent, qui laisse croire que l'action des hormones sur notre cerveau serait déterminante pour guider nos comportements. Alors, dans ce domaine des hormones, il y a deux hormones qui sont très à la mode. Il y en a une qui s'appelle l'ocytocine, qui oui. serait soi-disant l'hormone du coup de foudre, de l'amour, mais de aussi l'orgasme. De la fidélité, oui. De la gestion du stress, de l'empathie, du lien social. Enfin, elle fait beaucoup de choses, hein, soi-disant cette ocytocine. Et on a aussi toujours, évidemment, la testostérone qui, soi-disant, expliquerait que les hommes auraient plus d'appétit sexuel que les femmes dragueur, et qu'ils seraient oui. dragueurs et qu'il y ait des comportements violents et agressifs. Alors, sur cette question-là, hein, c'est un gros morceau. Hein. Bon, il n'est pas question de nier l'influence des hormones chez les animaux sur leur comportement. Ça, c'est quelque chose qui est totalement prouvé par de très nombreuses expériences, que ces hormones, justement, ont un rôle fondamental dans les comportements de maternage, par exemple, l'ocytocine, de soins aux petits. Bon, de même que les mâles, entre eux, pour la conquête d'une femelle, auront besoin de testostérone pour se bagarrer et pour aussi dans la sexualité des animaux. Bon. Ils peuvent même les faire passer par des phéromones, d'ailleurs. C'est évident qu'il oui. y a ces actions-là sur le cerveau des animaux. Oui. Mais quand on s'adresse au cerveau humain, eh bien, à ce moment-là, tout change. Tout change parce que, en particulier, toutes les études qu'on a pu faire maintenant sur la plasticité cérébrale oui. montrent que le cerveau humain n'est pas simplement une machine neuronale programmée par des hormones. Comme c'est le cas chez les animaux. Chez l'humain, il y a une particularité dont on a déjà parlé qui s'appelle le cortex cérébral. Oui, notre cortex oui. cérébral, il a pris une extension absolument gigantesque et c'est ça qui confère à l'être humain des propriétés très particulières qu'on ne trouve pas chez les animaux en équivalent, c'est-à-dire la conscience de soi, les capacités de raisonnement, les capacités surtout de se projeter dans le futur, les capacités d'imagination, les capacités évidemment de langage, et toutes ces fonctions propres à l'être humain qui vont lui conférer ce qu'on appelle un libre arbitre, c'est-à-dire une liberté de choix dans ses comportements. Une petite question. L'être humain... Finissez. Vous voyez, cette notion de liberté oui, de l'être humain oui. est fondamentale. C'est-à-dire que, avec nos connaissances actuelles... Hein, Notre cerveau fonctionne d'abord et avant tout par des représentations mentales qui sont le fruit de stratégies intelligentes qui ne sont pas déterminées par les hormones. Oui, bien sûr. Ça, mais c'est important. Et donc, c'est même très compliqué. Voilà. Et quand on sait ça, enfin quand on le réalise, y compris sur le plan neurobiologique et pas simplement sur le plan théorique, cela permet de relativiser tous ces discours qui laisseraient croire que, soi-disant, les hommes seraient l'objet de pulsions violentes, irrépressibles, et que, quelque part, c'est pas leur faute s'ils sont agressifs et violents, oui. et si ils ont, soi-disant, des comportements d'agression sexuelle. Parce que, quelque part, si on dit que ces comportements-là finalement, ils sont naturels. Ça les légitime. Ça les légitime. Et cela revient aussi, parce que ça a des conséquences au niveau social et politique, ça a pour conséquence de mettre à mal toutes les lois contre le harcèlement violent, le harcèlement sexuel et les violences faites aux femmes. Bien sûr. Et de même, si on dit que c'est l'hormone ocytocine qui rend les femmes maternelles fidèles à leurs compagnons et qu'elles sont plus aptes, parce que naturellement plus douées à s'occuper des enfants, cela aussi revient à mettre en cause toutes les lois sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine professionnel, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine politique. Vous voyez, c'est pas anodin de dire c'est la nature. Oui. Hein, parce que si on dit c'est la nature, ça veut dire qu'on ne peut rien changer. C'est ça. C'est le déterminisme biologique naturel, quoi. Voilà. Oui. Alors, deux petites questions qui ne sont absolument pas au même niveau. Est-ce que les hormones passent cette barrière terrible, puisqu'il faut qu'ils se protègent de la plus puissante des façons? Le cortex et l'ensemble cérébral, est-ce que toutes ces hormones passent la barrière hémato-encéphalique ? Hémato-encéphalique. Hémato-encéphalique, pardon. Voilà, c'est une question qui, pour le grand public, peut être un petit peu compliquée, hein, parce que... Essayons-la, parce voilà, que justement... Prétendre qu'une hormone a une action sur le cerveau, ça veut dire... Parce qu'une hormone... Par définition, c'est une substance chimique qui est libérée dans la circulation du sang. Oui. Et elle va ainsi pouvoir baigner différents organes et avoir des actions sur le corps en périphérie. Mais certaines substances peuvent aussi pénétrer dans le cerveau, bien évidemment. Mais il y a des substances qui ne pénètrent pas. Et parmi les substances qui ne pénètrent pas dans le cerveau, c'est cette fameuse ocytocine dont on nous dit qu'elle a un effet sur des tas de comportements qui passent par le cerveau. Donc il y a un non-sens à laisser croire qu'on est complètement sous l'effet permanent de cette ocytocine dans nos relations sociales ou dans nos relations intimes, alors qu'elle ne pénètre pas dans notre cerveau. Et puis surtout, cette ocytocine, admettons qu'elle pénètre, hein, parce qu'on peut trouver des stratagèmes pour tenter de la faire pénétrer. Dans le sang, par exemple. Oui, non, parce que ça pourrait passer. Mais non, si on l'injecte dans le sang, elle ne va pas rentrer dans le cerveau. Elle ne rentrera pas, d'accord. Alors donc, les chercheurs, pour essayer d'étudier d'éventuelles actions, ils se sont dit, on va administrer l'ocytocine sous forme de spray nasal. C'est ça. Hein, de faire un sniff d'ocytocine. Alors, si on fait un sniff d'ocytocine, elle va passer dans la muqueuse nasale et elle va être plus proche de la circulation cérébrale. Elle ne va pas passer dans le reste du corps. Et peut-être, c'est une hypothèse, elle pourrait comme ça passer dans le cerveau. Mais aucune étude n'a montré que le sniff d'ocytocine permettait à cette hormone de pénétrer dans le cerveau. Mais néanmoins, bien que ce soit complètement hypothétique, certaines personnes prétendent qu'ils ont démontré que l'ocytocine a un effet sur le lien conjugal ou un effet sur les liens sociaux et sur l'empathie. Vous voyez, on n'est pas du tout dans... Des conditions d'expérimentation qui sont sérieusement contrôlées, hein, quand on parle des sniffs d'ocytocine. Bon, alors indépendamment de ça, c'est-à-dire il faut aussi réaliser que si l'ocytocine agit dans le cerveau, pour qu'une substance agisse, il faut qu'elle se colle quelque part sur la membrane des neurones. Il faut qu'il y ait un récepteur. Il faut qu'il y ait un récepteur à cette substance sur les neurones. Que ça joue le coup de la clé de la serrure. Et ben jusqu'à présent, on n'a jamais trouvé dans le cerveau humain, de récepteur à l'ocytocine. Donc vous voyez, on est quand même dans un grand flou qui contraste complètement avec tout ce qu'on nous raconte sur l'ocytocine. Et il suffit que vous alliez sur Internet, vous tapez les mots-clés ocytocine, amour, spray, vous allez voir des crèmes à raser, des déodorants, enfin, on va vous vendre des sprays d'ocytocine, soi-disant non seulement pour servir de filtre d'amour quand il y a des difficultés conjugales, mais aussi pour résoudre les problèmes entre les employés et les patrons, puisque c'est soi-disant l'hormone de l'empathie. Vous voyez, derrière, il y a un marché. Et c'est ça qui permet de comprendre toute cette mode sur les hormones. Derrière, il y a un énorme marché. Si, c'est exactement le biais ou l'artefact de cette méthode. Si vous tapez, par exemple, je ne sais pas, vous tapez simplement aspirine ou acide acétyl, ainsi de suite. Seulement, vous allez tomber sur des articles scientifiques. Faites simplement l'expérience, vous tapez le même nom d'une quelconque substance et mettez cancer. Et là, vous allez tomber sur toutes les pages qui démontrent que l'aspirine donne le cancer. C'est exactement le même biais. Mais j'ai envie de relancer cette question parce que quand on voit la règle ou le comportement éthique minimum d'un journaliste scientifique, c'est de ne prendre en considération comme résultat temporairement avéré que c'est que ce qui est publié dans des revues à référer. Bien sûr. Évidemment que sont sortis comme hypothèse des travaux portant sur la possible homosexualité à origine génétique, ou l'alcoolisme, ou ainsi de suite. Bon. C'est là où la chose commence, parce qu'elle va être reprise par les médias, qui n'ont pas les compétences critiques pour pouvoir évaluer. Vous voyez la chaîne aussi comme elle est faite. C'est-à-dire que la chaîne qui fait que on finit par croire que cette hormone-là, c'est l'hormone de l'amour, elle est compliquée puisque c'est des scientifiques qui ont fait les sniffs pour savoir si ça passait la barrière. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, il y a... Comment vous voyez les choses? Il y a une responsabilité éthique, hein, quand on est scientifique, pour essayer d'évaluer quel peut être l'impact social et même politique des travaux que l'on peut mener, dont on sait aussi que parfois ils vont être vulgarisés d'une façon qui ne correspond pas à la réalité des données scientifiques à l'origine dans la publication. Donc c'est un questionnement que doit avoir chaque scientifique, hein, bien évidemment. Et c'est pour ça qu'il faut faire un travail de formation, hein, quand on apprend, on suit des études pour être chercheur ou chercheuse. Il faut de façon impérative qu'il y ait toute une dimension éthique sur ce que représente ce métier. Parce que notre métier, il est lourd de responsabilités. C'est pas simplement être passionné pour découvrir des mécanismes fondamentaux dans le cerveau ou ailleurs. Mais parce que, bon, en l'occurrence, si on parle du cerveau, il y a forcément des conséquences au niveau social. Il y a un discours qui va être exploité autour de ça, et parfois exploité à bon escient, et parfois exploité à mauvais escient. Et si on prend justement tout ce qui concerne la neurobiologie, l'étude du cerveau, il y a toujours eu de l'idéologie dans la façon dont cette démarche scientifique était menée. Bon, si on prend le 19e siècle, au 19e siècle, on pensait que les hommes étaient forcément naturellement plus intelligents que les femmes, et on disait, mais on peut maintenant le prouver parce qu'ils ont un cerveau plus gros qu'elles. Ça confère Broca. Voilà, de même qu'on pensait que les blancs avaient un cerveau plus gros que les noirs, oui. Et les patrons avaient un cerveau mais plus gros. Mais ça a repris aussi ça, hein, ça a été renouvelé, hein, avec des statistiques aussi, pour montrer que... C'est-à-dire, voilà. On continue à utiliser simplement cet argument extrêmement frustre de la taille du cerveau pour dire, bah, voyez, c'est pas pareil. Oui. Bon. Bien sûr que c'est pas pareil. Bien sûr qu'il y a toute une variabilité dans les tailles de cerveau. Mais il n'y a pas de relation de cause à effet entre la taille d'un cerveau et le devenir d'un individu. Oui, vous dites plus que ça même. On peut s'apercevoir que sur une certaine moyenne, il y a des cerveaux masculins qui sont plus gros et des cerveaux féminins qui sont plus petits. Bien sûr, les cerveaux des hommes sont un petit peu plus gros que le cerveau des femmes, mais cela ne permet en aucun cas d'en déduire que cela explique que dans la société, les hommes et les femmes n'aient pas les mêmes rôles. Oui, puis vous dites qu'ils n'intègrent pas le paramètre du corps aussi, du poids du corps, voilà, par exemple, ça. Du volume du corps. Donc là, je repose ma question aussi différemment, plutôt de façon complémentaire. Par exemple, un certain grand physicien, dont j'oublie le nom, mais peu importe, c'est son mot qui est d'importance, c'était extraordinairement sévère et critique quand on lui présentait une hypothèse. Je crois que c'est Paoli. Et on rapporte ce mot, quelqu'un lui montre un calcul, et Paoli, qui avait la dent extrêmement dure et qui pouvait démolir définitivement une carrière, lui dit... Vous savez, votre calcul, c'est absolument pas faux, c'est totalement inintéressant. Terrible, hein ? C'est pas faux, c'était très exact, inintéressant. Si quelqu'un se met à vouloir absolument trouver l'hormone de l'amour, est-ce qu'on peut lui dire, est-ce qu'on peut dire, quand dans un choix de programme scientifique, et pour mettre quelques pistes heuristiques, le sniff de le cytocine, ça peut se pratiquer, mais c'est totalement inintéressant. Oui, c'est une bonne réponse. Oui. Non, puis surtout, ça laisse croire, c'est comme si on parle de l'hormone du désir. Oui. Alors, le désir, il n'y a rien de plus multiple que la notion de désir. L'essence du désir, ils sont dans notre vie, dans notre vécu, la façon dont on va avoir du désir, pas forcément du désir, une attraction sexuelle, mais aussi du désir d'achat, du désir de connaître, du désir de voyager, enfin bon, de connaître le monde. Dire qu'il existe l'hormone du désir sexuel, par exemple de l'attraction sexuelle, ça n'a pas de sens par rapport à la réalité de la diversité de l'humanité et de la diversité de nos parcours de vie. Nos désirs, ils évoluent en permanence selon notre histoire. Donc, qu'il y ait quelque chose qui soit une toute petite molécule qui serait l'hormone du désir, c'est complètement... Enfin, il y a un problème... Dès le départ, quand on pose... Bah de réductionnisme, tout simplement, de réductionnisme idiot. Oui, bien sûr. Une molécule peut être des vertus pareilles. Bien sûr, il suffit de voir simplement combien il est difficile, par exemple, ce sont tous les travaux qui sont donc de prise de la décision, hein, de la métacognition. C'est-à-dire à quel moment vous prenez dans votre croyance la possibilité de sauter une rivière en ayant évalué que vous n'allez pas tomber au milieu, mais que vous allez pouvoir la sauter. Quand on voit la complexité, les statistiques bayésiennes qui sont derrière dans les circuits, c'est terrible. Et petite question où je vais trahir un trait de votre vie personnelle, donc c'est comme si je vous posais la question, puisque vous êtes une grande plongeuse, vous adorez la plongée, les fonds sous-marins, vous devez avoir le gène de la plongeuse. Vous, oui, oui, hein, absolument. Oui, Dabal, hein. On peut vous remarquer quand même, hein, bien sûr. Alors il y a quelque chose qu'on n'a pas signalé, c'est pas encore venu sur la table, qui est d'importance, et on peut le prendre peut-être par le biais d'une pathologie, c'est-à-dire que il y a des embryons qui développent des organes pour de sexe féminin, des fœtus de sexe féminin qui développent des organes masculins ou masculinisés. Et là encore, le principe du stéréotype agissant est terrible aussi, hein, concernant des êtres comme ça. J'ai été frappé, je connaissais pas l'exemple. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, en particulier de l'importance que vont prendre les parents en se disant mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais en plus c'est terrible comme choix. C'est un hermaphrodite. L'exemple que vous citez est important justement pour mettre en lumière combien une théorie qui a été lancée il y a une cinquantaine d'années. N'est plus du tout, n'a jamais été vérifié et n'est plus du tout d'actualité. Oui. Cette théorie laissait croire que pendant la vie embryonnaire, in utero, comme on sait qu'il y a davantage de testostérone chez les fœtus mâles que chez les fœtus femelles, cette théorie postulait que cette imprégnation par la testostérone chez les fœtus mâles expliquerait que plus tard, il y ait justement des différences d'aptitudes et de compétences et de rôles sociaux entre les filles et les garçons et entre les femmes et les hommes. Et à nouveau, c'est l'idée d'un déterminisme biologique, hein, des rôles des uns et des autres, qui serait lié à cette concentration supérieure de testostérone pendant la vie intra-utérine. D'accord. Alors, c'est une hypothèse. La question qui se pose, évidemment, quand on est scientifique, c'est d'essayer de mettre à l'épreuve cette hypothèse. Quels sont, sur le plan expérimental, des arguments qui permettent de dire c'est valide, c'est pas valide. Donc, chez l'humain, il est évidemment impossible de mesurer directement dans le placenta, ou enfin surtout dans le cerveau, la quantité de testostérone. Bien sûr. Et donc, on ne peut pas faire de relation de cause à effet avec tant de concentration de testostérone et tant de comportements type masculin. Mais par contre, il y a une pathologie qui s'appelle l'hyperplasie congénitale des surrénales qui fait que chez les fœtus femelles, il y a une sécrétion plus importante de testostérone pendant la vie intra-utérine. Et on s'aperçoit, quand on regarde ensuite, certes que les organes génitaux ont été un petit peu masculinisés, mais les cerveaux des filles qui souffrent de cette pathologie ne sont pas différents des cerveaux des filles qui n'ont pas de pathologie. Exactement, c'est ça, voilà. Eh ben, on termine sur cet exemple. Malheureusement, on pourrait continuer longtemps à réfléchir, puisque c'était la seule question sur ce concept de genre qui vient s'ajouter au masculin et au féminin, qui a son importance, comme tout le monde le sait maintenant. C'était Continent Science. Merci bien sûr de votre attention et de votre fidélité. Vos remarques et vos critiques sont toujours les bienvenues. Aujourd'hui, à la technique Jean-Frédéric, pour la documentation Thierry Beauchamp, à la réalisation Dany Journeau. Stéphane Delisgeorges, Continent Science est balado-diffusé. Si vous voulez réécouter cette émission n'importe où, n'importe quand, vous vous reportez au site internet franceculture.fr. Ainsi, vous pouvez nous télécharger pendant un an et nous écouter pendant 1000 jours.